Je n'irai plus par les chemins mouillés. Me retrouver là-bas, toi qui ne veux pas de moi. Je n'irai plus marcherai tout seul encore une fois. Je n'irai plus là-bas. Je n'irai plus là-bas où tu ne veux pas de moi. Je n'irai plus. Je n'irai plus. Je dirai la vérité, même si tu ne veux pas de moi. Je n'irai plus, je n'irai plus là-bas où le désert est un cœur. Je n'irai plus là-bas, je n'irai plus sans toi, toi qui ne veux pas. Je n'irai plus là-bas, je n'irai plus loin de toi. Je n'irai plus là-bas. Sans toi, sans toi.